Le Loriot par André Theuriet. C'était au fond du Poitou, aux environs de la Saint-Jean, à l'époque où l'on coupe les foins, où les tilleuls se couvrent de milliers de fleurs odorantes et où les cerises sont mûres. Je me promenais dans un clos bien affruité, en compagnie d'une jolie personne, nièce du propriétaire du domaine. Le clos était vert, planté de cerisiers, de pommiers et d'albergiers en plein rapport, et voisin d'un bois peuplé d'oiseaux. Ma compagne était une jolie angoumoisine de mon âge, 20 ans, fraîche, rose, mignonne, avec des lèvres rouges, des yeux noirs très vifs et des cheveux châtains. Nous nous connaissions depuis la veille seulement, mais à la campagne, quand on est dans la prime jeunesse, on se lie vite. L'air vif du matin, le clair soleil, la bonne odeur d'herbes fauchées qui nous venait des prés, nous avait rendus expansifs, et nous cheminions à travers les arbres du clos, en jasant comme une paire d'amis. Elle, très gaie, curieuse, questionneuse, moi, plus timide, romanesque, très inflammable et cachant sous des dehors un peu gauche une tendresse naissante qui ne demandait qu'à s'enhardir. Tandis que nous flânions doucement, un chant d'oiseaux nous arrivait à travers la feuillée, un chant composé tout au plus de 3 phrases très courtes, d'une sonorité et d'un velouté exquis. On ne pouvait mieux le comparer qu'au son d'une flûte en or. C'était une mélodie pleine et pure, liée par un grasseillement imprégné de sensualité. La jeune fille s'était arrêtée pour l'écouter. « Quel est cet oiseau qui chante si joliment ?» me demanda-t-elle. « C'est le Loriot. »« Vraiment ? Et comment est fait ce Loriot ? Je ne l'ai jamais vu. » Je dus lui dépeindre cet oiseau, grand mangeur de cerises, au poitrail d'un beau jaune vif, avec des ailes noires et une queue mi-partie noire et jaune. Je le lui portraiturais, avec son bec de couleur purpurine, fort et largement fendu, ses narines bien ouvertes, son œil gros, rond, rouge comme une guigne, et mouillé d'une humide lueur gourmande, sa petite moustache noire accentuant cette physionomie d'épicurien. Je lui dis qu'il nous arrivait des pays chauds, à l'époque où les bigarreaux commencent à prendre couleur, et qu'il construisait son nid à la fourche des hautes branches, un nid douillettement matelassé d'herbes et de toiles d'araignée, suspendu comme un hamac entre 2 rameaux par de souples et solides ligatures qui le bercent au moindre souffle d'air, ce qui ajoute une volupté de plus au confort de cette aérienne demeure. Le jus des cerises, continuai-je, le prédispose à la tendresse, et quand il s'est bien grisé de merise et de guigne, c'est en ce nid au moelleux balancement qu'il fait un doigt de cour à sa payse. Ce détail mit en gaieté la jolie fille de l'Angoumois. « Oh ! » dit-elle. « Je voudrais bien voir un Loriot. »« Ce n'est pas facile, » répliquai-je, « car cet oiseau gourmand est d'un naturel défiant et d'une approche difficile. Pourtant, nous pouvons essayer. » Et nous prenant la main, marchant tous deux avec précaution au plus épais de l'herbe, nous nous approchâmes d'un grand cerisier, d'où partait le mélodieux chant flûté. À peine étions-nous arrivés au pied de l'arbre, que l'oiseau farouche s'envola, mais nous pûmes entrevoir parmi les feuilles son corps svelte, bien découplé, et ses ailes noires et jaunes qui l'agitaient en fuyant vers les bois. Nous étions restés près du cerisier, le cou tendu, la main dans la main, les yeux perdus dans les feuillets où les fruits mûrs luisaient doucement dans la verdure. C'étaient des bigarreaux blancs et roses, à la pulpe charnue, à la couleur invitante. Une échelle était justement appuyée à l'arbre. « Si nous allions prendre la place du Loriot, » insinua-t-elle en me lâchant la main. Ramassant ses jupes, d'un pied leste, elle escaladait les échelons et d'en bas, je distinguais dans la pénombre ses pieds mignons sous la retombée de sa robe rose à 1000 raies. À mi-chemin, elle se retourna avec un sourire espiègle. « Eh bien, venez-vous » me cria-t-elle. Ce n'était pas l'envie qui me manquait, mais je n'aurais pas osé monter sans y être invité. Je la suivis en rougissant et nous nous trouvâmes bientôt tous deux au cœur de l'arbre. La position était fort agréable, sinon très commode. À chaque mouvement que nous faisions, son bras et ses cheveux effleuraient ma joue et elle riait, tandis que j'avais l'air très sot et très emprunté. À la fin, elle s'accrocha d'une main au tronc de l'arbre et s'assit, jambes pendantes, sur une branche horizontale. J'en fis autant, et nous nous trouvâmes l'un près de l'autre, mollement balancés par la branche élastique et fléchissante. Seulement moi, je n'avais pas comme elle un point d'appui pour me tenir commodément. Ou plutôt le seul point d'appui qui me fut offert était son épaule ou sa taille, et mon horrible timidité m'empêchait de m'en servir. Combien alors j'enviais la légèreté, l'adresse du loriot mangeur de guignes. En voilà un qui s'est resté en équilibre sur les branches, et que l'obligation de se tenir haut perché entre ciel et terre ne gêne ni pour satisfaire sa gourmandise, ni pour être aimable. Le vent a beau secouer l'arbre, il se balance avec la feuillée, et n'en perd pour cela ni son appétit, ni sa présence d'esprit. Je n'aurais pu en dire autant, et malgré la friolante compagnie de ma mignonne voisine, je me sentais fort mal à mon aise, et plus gauche encore qu'avant. Elle ne semblait pas s'en apercevoir, et picorait gaiement les fruits à portée de sa main ou de ses lèvres. « Il fait bon ici, soupira-t-elle. Ne trouvez-vous pas que nous sommes comme le loriot avec sa payse, dans leur nid suspendu ?» Était-ce une invite à imiter le loriot jusqu'au bout? Je ne suis pas la comprendre. D'ailleurs, j'avais toutes les peines à me tenir sur la branche. Au bout de 5 minutes, je fis un faux mouvement et je me laissai bêtement choir au pied du cerisier. Elle éclata de rire, un petit rire bref et nerveux. Puis, ayant bourré ses poches de cerises, elle descendit à son tour. J'étais furieux contre moi-même et, sans presque parler, languissamment, maussadement, nous reprîmes le chemin de la maison. Tandis qu'à la lisière du bois, le loriot, avec son chant flûté, avait l'air de railler ma sottise. C'était Le Loriot, par André Theuriet.